Regarde-moi, je sais pas combien m'ont trahi devant mon miroir. Tu me nargues, dis-moi, j'ai mal au cœur, j'envie le minimum. Dis-moi seulement s'il te plaît, je peux tout gâcher pour le respect, comprenez-moi. Tu regardes son oseille, ne me dis pas qu'il te plaît. Ton premier amour t'a fait ton premier mal, ouya. OK, c'est mes Medellin ou bien Ramallah. J'ai le 357 sous ma Ferragamo. Tu m'évites, je vais te faire ce que tu mérites. J'ai le 357 sous ma Ferragamo. 357 moula sous ma Ferragamo. 357 moula sous ma Ferragamo. 357 moula bang sous ma Ferragamo. 357 moula bang sous ma Ferragamo. Moi je rêve d'un Brinks quand je suis à l'arrière du Vito. Maudit soit ces fils de putain qui nous parlent au bigot. Toi tu fais le mal, ramasse bien les douilles. Pipi, tu fais la belle. Moi je m'en bats les couilles. Y'a combien de pigeons dans ta life? Derrière deux crises, on fait du bif que pour la mif. Papa, t'inquiète, y'a pas que la vente de cannabis. On fait du bis. Franchement, c'est hoche. Ton patron me fait la bise. Ouya. OK, c'est Medellin ou bien Ramallah. J'ai le 357 sous ma Ferragamo. Tu m'évites, je vais te faire ce que tu mérites. J'ai le 357 sous ma Ferragamo. 357 moula sous ma Ferragamo. 357 moula sous ma Ferragamo. 357 moula bang sous ma Ferragamo. 357 moula bang sous ma Ferragamo. Sous ma Ferragamo. 357 moula bang sous ma Ferragamo. OK, c'est Medellin ou bien Ramallah. J'ai le 357 sous ma Ferragamo. Tu m'évites, je vais te faire ce que tu mérites. J'ai le 357 sous ma Ferragamo.